finisher for the day. Moi, si ce qui a la valeur pour soi, Mingi. Il y a un peu de Mingi. Et comme on la concurrence. Chérie, au Tuningai, beaucoup ma commerçante. Ngai mon grand apprécié au fond. Car en Zélan, il y a commerce. Beaucoup mis sous tsunami balé. Totembo le bosso na mobile na sana na lembisi. Totembo na mobile na vio na lembisi. Kasi ya mbalo yo na décidé atome le mwanzo. Ata na mettre l'hôpital pour mon nga été. Bon mengo to sala kana yo. Na ko pesa kaka na tese ndio. Mais le cause mama na bana ko tina na bana. Place na ko kanisa. Point d'interrogation. Mais ma oye en gai, pas se moti man en gai, kou si la kana si me ambou la mita. La si me ambou la mita, non le na kou kou limbisa. Ngai wa yon ake, oti kalamalam. Ah, kisa sa ya. Oli nga te kalise, babio ki ma alete, o nga na ki ugo. Oli nga te kalise, yete do tel de dile, nga na ki ugo. Oh,